Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 19 septembre, nous souhaitons une bonne fête aux Émilie, ça vient du germanique signifiant travailleuse. Émilie est loin d'avoir une personnalité quelconque, bien au contraire. Dotée de qualités que l'on attribue plus volontiers aux hommes qu'aux femmes, Émilie est une femme énergique, autoritaire et le courage ne lui fait pas défaut. Assez égocentrique, elle est avant tout concernée par elle-même et sa propre affirmation. Néanmoins, une petite note d'inquiétude et de doute subsiste au fond d'elle, qu'elle manifestera de différentes façons en raison de l'influence du 1 et du 8. Ainsi, si elle se sent prise en défaut, elle peut extérioriser un côté méfiant, distant, un peu hautain, un sourire ironique au coin des lèvres sur la défensive, où elle se renfermera sur elle-même, ou bien au contraire, elle se montrera originale, voire excentrique, compensant cette influence de manière radicale. En fait, une nature apparente intériorisée, réfléchie, cérébrale, analytique du fait du 7 coexiste avec une tendance matérialiste concrète du 8, cette dualité pouvant lui conférer un caractère fort. Cependant, ces deux influences sont karmiques et Émilie peut être en permanence entre ces deux orientations de vie. Ainsi, chez l'une, les préoccupations matérielles prédomineront tandis que l'autre éprouvera un malaise quant à l'argent et s'orientera vers la spiritualité ou les abstractions. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une femme active, déterminée, rapide et impatiente qui cherchera avant tout le pouvoir. Dicton du jour à Sainte-Émilie, Luzerne à pleine faucille. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale du parler pirate, fête parodique émergente d'origine américaine où tout le monde est invité à parler comme les pirates du XVIIe siècle. En France, c'est la journée du transport public et à Saint-Christophe-et-Niévès, c'est la fête nationale. Ça s'est passé en 19 septembre 1893. La Nouvelle-Zélande était le premier pays au monde à accorder le droit de vote aux femmes. 1979, c'était la signature de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe à Berne, en Suisse, dans le but d'assurer la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel par une coopération entre les États. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 1982. En 1983, c'était l'indépendance de Saint-Christophe-et-Niévès, c'est un État situé dans les Petites Antilles. Et 1991, découverte de l'homme des glaces Otzi. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec le titre Unchained Melody du duo The Righteous Brothers. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch alone. Lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Riverside, wait for me, I'll be coming home, wait for me. aurez bien évidemment reconnu hein, ce titre, c'est la musique du film Ghost, hein, Unchained Melody, les Rutherus Brothers sur RGM. Il est pile 8h37 et on passe tout de suite aux anniversaires. Ils sont nés un 19 septembre 1927, naissance de Rosemary Harris, actrice britannique, connue pour son rôle de May Parker dans Spider-Man 1, 2 et 3. 1933, naissance de David McCallum, acteur britannique, connu pour son rôle d'Ilya Kuryakin dans la série des agents très spéciaux et surtout son rôle du docteur Donald Mallard, alias Ducky dans NCIS Enquête Spéciale. 1940, naissance de Bill Medley, chanteur, compositeur américain des Rutherus Brothers. 1942, naissance de Freda Payne, chanteuse américaine. 1948, naissance de Jeremy Irons, acteur britannique, vu dans L'homme au masque de fer dans le rôle d'Aramis, Kingdom of Heaven dans le rôle de Tiberias, La Panthère Rose 2, Sublime Créature, Batman versus Superman, L'Aube de la Justice, ainsi que dans Justice League dans le rôle d'Alfred Pennyworth et vu également dans Assassin's Creed. 1951, naissance de Marie-Anne Chazelle, actrice et réalisatrice française, vue dans L'aile ou la cuisse, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, Le coup de Sirocco, Les Bronzés font du ski et Les Bronzés 3 amis pour la vie dans le rôle de Gigi, Viens chez moi, j'habite chez une copine, Les Babacool, Le Père Noël est une ordure dans le rôle de Josette, Les Visiteurs et Les Visiteurs 2, Les Couloirs du temps dans le rôle de Ginette, La Clocharde, La Vengeance d'une blonde, Au secours, J'ai 30 ans, La fille du puisatier, Marius, ainsi que l'autre film, hein, Fanny, dans le rôle d'Honorine, Les Visiteurs, La Révolution dans le rôle de Prune, Ma famille t'adore déjà, réalisatrice du film Au secours, J'ai 30 ans, et vue à la télévision dans le rôle de Françoise dans Bienvenue aux Edelweiss, Panique aux Edelweiss et Les Edelweiss, vue également dans Falco, Le Mystère du lac ainsi que la suite Le Tueur du lac dans le rôle de Marianne Stoker et plus récemment Quand je serai grande je te tuerai dans le rôle d'Alice Marconi. 1962, naissance de Thierry Marx, cuisinier français, sa cuisine s'inspire de la gastronomie moléculaire. 1963, naissance d'Alessandra Martinez, actrice et danseuse française, vue dans Les Misérables et Homme-Femme Mode d'emploi de Claude Lelouch et elle a été jurée lors des saisons 1 et 2 de Danse avec les Stars. 1965, naissance d'Alexandra Van Der Noot, actrice belge, vue dans Prêt-à-porter, Le Jaguar, Le Dîner de Con, Le Placard, La Saga de l'été, Tramontane, La Saga de l'été, Le Bleu de l'Océan, vue également dans plusieurs épisodes de Camping Paradis, Section de Recherche, Joséphine, Ange Gardien, Profilage et tout récemment, Noces Rouges. C'est également l'année de naissance de Sabine Paturel, chanteuse française. 1969, naissance de Cédric Dumont, acteur français connu pour son rôle de Fabrice dans la série télé Extrême Limite et il est acteur de doublage et également puisqu'il est la voix de l'acteur Christopher Masterson qui joue Francis dans la série télé Malcolm ou encore de Ian Somerhalder, Damon Salvatore dans la série Vampire Diaries. 1970, naissance de Sonny Anderson, ancien footballeur brésilien ayant fait carrière de 1987 à 2006, en jouant à Vasco de Gama, à Guarani FC, au Servette FC, à Marseille, Monaco, Barcelone, Lyon, Villarreal, au club d'Al Rayyan SC et à Al Gharafa SC. 1971, naissance de Sana Lathan, actrice américaine vue dans Blade, Alien vs Predator dans le rôle d'Alexa Woods, Contagion ou encore Insaisissable 2 dans le rôle de Nathalie Austin. 1972, naissance d'Ulrich Ramé, ancien footballeur français ayant fait carrière de 1992 à 2013 en jouant à Angers, Bordeaux et enfin Sedan Ardennes. 1973, naissance de Delphine Réo, sportive française pratiquant le tir dans la discipline de la fosse olympique. Elle a remporté deux médailles olympiques en 12 ans d'écart. La première, c'était médaillée d'argent au JO de Sydney en 2000 et le bronze à Londres en 2012. 1974, naissance de Jimmy Fallon Jr., humoriste, producteur, animateur télé américain qui présente son émission devenu culte, un star, The Tonight Show starring Jimmy Fallon. C'est également l'année de naissance de Victoria Silvstedt, mannequin et actrice suédoise qui a présenté de 2006 à 2011 La Roue de la Fortune aux côtés de Christophe De Chavannes. On a pu la voir dans la série Melrose Place, elle est apparue dans Nos Chers Voisins ou encore le film L'Arnaqueur. 1979, naissance de Noémie Lenoir, mannequin actrice française, vue dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre dans le rôle de Kimiokis, Gomez et Tavares, Gomez versus Tavares dans le rôle de Gina, La Doublure dans le rôle de Karine, Rush Hour 3 dans le rôle de Geneviève. Elle sera bientôt à l'affiche du film Alad 2 et elle a participé à la saison 4 de Danse avec les Stars. 1984, naissance de Kevin Zegers, acteur américain connu pour son rôle de Josh Fram dans les films Air Bud 1, 2 et 3, vu dans la série Titan dans le rôle d'Ethan Benkley, dans Smallville ou encore Gossip Girl dans le rôle de Damien Dalgarde. 1986, naissance de Céline Goberville, tireuse française au pistolet 10 et 25 mètres, vice-championne olympique au pistolet 10 mètres lors des JO de Londres en 2012 et double championne d'Europe au pistolet 10 mètres. 1987, naissance de Danielle Panabaker, actrice américaine, vue dans Grey's Anatomy, Bones, Franklin and Bash, et surtout connue pour son rôle de Caitlin Snow dans la série Flash ainsi que Arrow et Legends of Tomorrow. 1989, naissance de Chloé Morteau, Miss France 2005, 5e dauphine de Miss Univers en 2009 et 3e dauphine de Miss Monde en 2009. 1996, naissance de Sophie Tite Charvet, chanteuse française gagnante de la Nouvelle Star en 2013. Et ça va me permettre de faire une petite pause puisqu'elle a repris le titre Sorry Seems to Be the Hardest World, dont on écoute tout de suite un petit extrait. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry. Voilà pour la reprise du titre Sorry Seems to Be the Hardest World, reprise donc par Sophie Tite. 1992, décédé Jacques Pic, célèbre chef cuisinier français de haute gastronomie, père du chef Anne-Sophie Pic. Allez, comme tous les mercredis, on passe aux sorties cinéma et on commence tout de suite avec le film La Nonne, un film d'épouvante d'horreur de Corinne Hardy avec Tessa Farmiga, Damien Bichir et Jonas Blocker. Okay. Autre film, Les Frères Sisters, un western de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix, John Reilly et Jake Gyllenhaal. Autre film, L'Amour est une fête, comédie de Cédric Anger avec Guillaume Canet, Gilles Lelouch ou encore Michel Faux. Autre film, Le Poulain, comédie de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield et Gilles Cohen. Autre film, Climas, un drame thriller de Gaspard Noé avec Sofia Boutella, Romain Guillermic et Souela Yacoub. Et enfin, dernier film, Carnage et les Puppets, comédie de Brian Hanson avec Melissa McCarthy, Elizabeth Banks ou encore Maya Rudolph. Allez, petite pause avec Freda Payne et le titre A Band of Gold. With me. Et voilà la chanteuse Freda Payne sur le 107 FM. Il est presque 8h49, on file vers la météo. La météo. Alors ce matin, c'est ou c'était, ça dépend des endroits, un petit peu couvert. On a même eu quelques averses de pluie. Ça ne va pas durer, hein. Le soleil va être parmi nous aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Des températures toujours aussi agréables, hein, comprises entre 15 et 16 degrés ce matin, entre 27 et 28 degrés cet après-midi. Jeudi, journée ensoleillée, des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 27 et 28 degrés l'après-midi. Et vendredi, du soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, et ça baissera pour vendredi après-midi, elles seront comprises entre 21 et 22 degrés. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et en football, en Ligue des Champions, ça débute mal pour les clubs français puisque Monaco s'est incliné 1-2 face à l'Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain s'est incliné à Liverpool 3-2. Côté parisien, tout de même un but signé Kylian Mbappé. Et hier soir, le FC Barcelone n'a pas fait dans le détail. S'est imposé 4-0 face au PSV Eindhoven. Un triplé de Messi et un but signé Dembélé. Ce soir, Lyon se déplace à Manchester City et il y aura un gros match entre le Real Madrid et l'AS Rome. Un mot de volley avec le championnat du monde et la France s'est imposée 3-7-1 face au Canada hier soir. Un mot de basket avec aujourd'hui le premier tour de la Coupe de France. Nancy se déplace au club de N2 de Prissé-Mâcon et le Jet Vosges reçoit le club de Denain. Un mot de tennis avec le tournoi de Metz, la qualification hier de l'Estienne en 2-7 face à Zop, 6-3-7-5, l'élimination de Kenny Deschepper en 2-7 face à Basilashvili, 6-2-7-6, Humbert s'est qualifié en 3-7 face à Tomic, 6-7-6-3-6-4, Joe Wilfried Tsonga s'est malheureusement incliné en 3-7 face à Gojovzik, 6-7-6-3-6-4, et Herbert s'est incliné en 2-7 face à Albot, 6-3-6-4. Aujourd'hui, un duel franco-français entre Quentin Alice et Benoît Paire. Manarino lui affrontera Fuxovic, Simon sera opposé à Vézeli, Lestienne à Gasquet, un autre duel franco-français, et Moutet affrontera Krajinovic. À Tokyo aujourd'hui, Caroline Garcia affronte Pavluchenkova et à Guangzhou, Ferro affrontera Zeng. Et on termine avec une information en natation. Amaury Levaux, qui avait quitté les bassins il y a 5 ans maintenant, eh bien, a décidé de faire son grand retour. Et voilà pour l'actualité sportive. Et maintenant, on va écouter les bêtises de Sabine Paturel. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les Craven. Ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout découpé tes rideaux. Tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Fallait pas me quitter, te voir. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bahut. J'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu, menu. J'ai tout brûlé le beau tapis. J'ai tout scié les pieds du lit. Tout décousu tes beaux habits et mis le feu à la penderie. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau. Quand mes yeux Voilà pour les bêtises de Sabine Paturel sur RJM. Il est presque 8h55 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend. À 9h, ce sera Regard d'ailleurs. 10h, Les Ados avec l'IME de Saint-Amé. 14h, Rhythm and Poetry avec Titouan. Et nous, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.